sont les go? Où sont les belles gazelles? Le vrai sexe à pile et les top modèles. Où sont les go? Avec le jogging actuel. Bouillac à bouillac avec un boule criminel. Pour la même en pour le déroulé. Pour les dings, je dirais, mini caroléma. Batman, Predator, Killa Killa, on adore. Pour les dings, je dirais, mini caroléma. One anybody come to move. Come down, come to move it. From side to side. Si tu bouges, moi j'approuve. C'est le Before Dance Floor, les amis. Bienvenue, c'est Kev. J'espère que vous allez bien ce mardi. Oh là là, ça fait du bien de vous entendre. Je vous entends même pas, mais de vous voir, d'être là avec vous, de vous accompagner jusque 21h. Aujourd'hui, on va encore évidemment parler d'humour. On va vous passer les meilleures bombes dance floor de radio. Mixler, évidemment. C'est Kev, moi c'est Kev. Voilà, vous pouvez m'ajouter sur Facebook, Kevin RD. Je lis toutes vos dédicaces à l'antenne. Et tout de suite, les amis, pour commencer cette nouvelle heure de son Justin Timberlake, c'est Radio Mixfloor. Bienvenue tout le monde. 21h, le Before Dance Floor. Avec Kev. Sur Radio Mixfloor. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body.

On est sur le Before Dance Floor, on est là jusque 21h. Je vous accompagne juste avant la libre antenne d'Alex. Ça me fait plaisir, dédicace à Pauline. Voilà, Pauline qui a fait sortir pour la première fois son ami Thomas à la soirée Radio Mix Floor au Linox. Ça s'est trouvé au Gravelines, les amis. Et oui, dédicace à Pauline et Thomas. J'espère que vous avez kiffé cette soirée. Selena Gomez, ma femme, maintenant sur Radio Mix Floor. Bienvenue. The world can be a nasty place. You know it, I know it, yeah. We don't have to fall from grace. Put down the weapons you fight with, and kill them with kindness. Kill them with kindness. Kill them, kill them, kill them with kindness. Kill them with kindness. Kill them with kindness. Go ahead, go ahead, go ahead now. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. I made it selfish for to take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. Mm-mm. So give me your love. I need it. Give me your heart. Singala à l'instant sur Radio Mix. Alors bienvenue, c'est Kev jusqu'à 21h. 20h, 21h, le Before Dance Floor avec Kev sur Radio Mix Floor. Allez, tout de suite les amis, on se fait le top 3 des joueurs les mieux payés. Alors dites-moi un petit peu vos réactions un petit peu sur les réseaux sociaux les amis d'après vous. Attention, j'espère que vous êtes attachés. Et oui, j'espère que vous êtes attachés parce que là on est en top 3 des joueurs de football les mieux payés. Attention, en top 3 les amis, en 3ème position, nous avons Neymar. Et oui les amis, nous rentrons sur le stade, on voit Neymar dans les yeux. Neymar les amis, il a 24 ans, salaire annuel 20 millions d'euros, avec une prime de 2,5 millions, des revenus de 21 millions et ça fait un total de 40 millions d'euros par mois les amis. Donc ça c'est seulement le top 3 les amis, c'est Neymar. En deuxième position, nous avons notre ami Cristiano Ronaldo, avec un total de 67 millions d'euros les amis, avec un salaire annuel de 32 millions, une prime de 400 000 euros et des autres revenus de 35 millions. Et le premier les amis, c'est Kevin Yardé, payé 2 euros, éplucheur d'orange, non je plaisante. Les amis, le premier c'est Lionel Messi avec 74 millions d'euros par mois, salaire annuel 36 millions d'euros, prime 3 millions. Et autres revenus, 35 millions. Donc les autres revenus, c'est tout ce qui est pub, tout ce qui est publicité pour Puma, à mon avis, tout ce qui est publicité pour Coca, etc. Bref, les amis, je tiens à vous dire que j'aimerais bien avoir la même paye chez Radio Mix Floor. Voilà. Bon, tout de suite, c'est le son de Pitbull. À la production, les amis, ils s'y croient. Là. Ils se croient au Stade de France. Là, ça, ils ont sorti les écharpes, ils sont en train de pleurer, ils sont en train de chanter la Marseillaise. Ça y est, là, ils sont partis. Bon, bref, les amis, on revient juste après ça. C'est le son de Pitbull. Juste après, ne bougez pas. On est là jusqu'à 21h. C'est Before Dance Floor. Bienvenue. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Bientôt, la justice aura son chiffre. Les 7 mercenaires. On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. Vous êtes en quête de vengeance. Je suis en quête de justice, mais la vengeance, ça m'ira. Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Combien d'hommes, vous disiez ? Les 7 mercenaires. 7 flingues pour un film de légende. Le 28 septembre au cinéma. L'Inox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans notre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook. Inox Club. Radio Mix Floor. Vous avez toujours été pressé. Bien plus pressé que ça. C'est ça. Vous coupez court, vous rendez-vous chez le dentiste. C'est bon, merci. Je remplirai moi-même le trou. Vous attendez rarement les autres, moins pressé que vous. Est-ce que tu veux bien m'épouser quand ? Et quand vous voyez une barrière de passage à niveau qui se ferme, vous n'hésitez pas, vous. Accélérez, ouais, ouais, forcément, ils ont... Sur les rails, le danger est plus rapide que vous. Soyez attentifs au passage à niveau. Respectez le code de la route. Ceci est un message de SNCF et de la sécurité routière. Radio Mixplore, un max de son Dancefloor. Un max de son Dancefloor. Green light, everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green Mr. 305. Flow rider and lunch money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light. Oh yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. Whoa.

Benjamin Braxton à l'instant, un artiste de Radio Mixler. Et oui les amis, c'est un artiste de chez nous. Bienvenue, on est là jusqu'à maintenant. Radio Mixler. Un max de son dance floor. Allez, on est parti les amis. Oh là là, là par contre là on est parti, ça y est, on est parti pour une chronique sexe les amis. Oh là là là là, ça y est. Les amis, ça y est, j'ai l'impression de revivre mon enfance quand j'étais dans une camionnette à la sortie de mon école. Il y avait quelqu'un qui m'a proposé des bonbons. Non, je plaisante. Alors les amis, nous avons le rapport sexuel. Alors, le rapport sexuel, d'après vous, combien est la moyenne en France, les amis? Déjà, je peux vous dire, je suis pas dedans. Voilà, je suis au-dessus. Voilà, pour vous rassurer. La moyenne d'un rapport sexuel, en moyenne, hein, en France, est de 16 minutes, les amis. Moi, c'est plus de 30 minutes. J'ai l'impression de dire 30 minutes de non-stop. Donc, moi, c'est plus de 30 minutes, les amis. Voilà, donc je sais pas chez vous si c'est plus ou moins, mais si vous êtes pas dans la moyenne, les amis, pas de panique. C'est comme l'école, voilà, y a rien de grave, y a pas de diplôme, etc., y a pas de souci. La longueur moyenne d'un pénis en érection est de 13 cm. En vrai, ça me rassure, les amis. Ça me rassure, en vrai, ça me rassure parce que j'avais peur de pas être dedans. Voilà, je le dis, j'avais peur de pas être dedans. J'espère que la libre antenne sont dedans. Je pense que. Je pense pas que Al n'est dedans. Voilà, Al, si tu écoutes cette émission, faudrait que tu me dises si tu es dans cette moyenne ou pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est tout. Bref, on est là jusqu'à 21h15. Et ouais, pas jusqu'à 21h, jusqu'à 21h15. Hein. Dans quelques instants, on se fera le best-of du cas du Art Chantal qui a été fait par Jojo, le pervers avec Charlotte. Les amis, vous avez kiffé toutes les rediffs sur YouTube également et sur la page Facebook à Radio Mixlore. N'hésitez pas à like, les amis. Et on revient juste après ça. C'est Kev Bailard, un son que vous avez kiffé sur Radio Mixlore. Et personnellement, je kiffe. Montez le son. On est avec vous jusqu'à 21h15. Merci d'être avec nous. C'est Kev. When I eat it, tú bailas como una descarada. Eso me encanta. Dale something beautiful. Justin Bieber avec Didier Snake, vous avez l'habitude les amis. Et ouais, il y a Lolita qui nous fait des gros bisous les amis, elle est aussi du Nord, voilà, les super fans de nous, ça nous fait plaisir, hein. Depuis quelques années, elle nous suit. Lolita, Lolita, les amis, tout de suite, Willy William, Paris, en direct de Radio Mix Club, on est là jusqu'à 21h15 dans quelques instants, le best-of de Chantal, bienvenue, c'est Kev. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ses rues pavées, un air d'été sur la capitale, on était là. Musicien me donnait la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me bats dans Paris, je me bats dans Paris, je me bats dans Paris, Paris, Paris, je me bats dans Paris, je me bats dans Paris, je me bats dans Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Un max de son dancefloor.